Le quotidien international de l'Indonésie, le journal birman The New Age et les homepages d'Internet de l'association d'amitié France-Corée, de l'association d'études de la politique de Sengun de Grande-Bretagne, du forum allemand anti-impérialiste et du comité national d'études des idées du Tutsi du Congo démocratique ont traité spécialement le 16e anniversaire de la publication de l'historique déclaration commune Nord-Sud du 15 juin. Le journal indonésien a imprimé le portrait souriant du dirigeant Kim Jong-il et l'association française a inséré des photos du dirigeant et une photo du maréchal Kim Jong-un.